50 languages. 29. 29. 29. في المطعم 1. Au restaurant 1. Au restaurant 1. هل هذه الطاولة شاغرة؟ Est-ce que cette table est libre? Est-ce que cette table est libre? من فضلك، لائحة الطعام. Je désirerais la carte. Je désirerais la carte. بما تنصحني؟ Qu'est-ce que vous nous recommandez? Qu'est-ce que vous nous recommandez? أريد كأسا من الجعة. J'aimerais une bière. J'aimerais une bière. أريد مياه معدنية. J'aimerais une eau minérale. J'aimerais une eau minérale. أريد عصير البرتقال. J'aimerais un jus d'orange. J'aimerais un jus d'orange. أريد فنجان قهوة. J'aimerais un café. J'aimerais un café. أريد القهوة مع الحليب. J'aimerais un café au lait. J'aimerais un café au lait. مع السكر من فضلك. Avec du sucre, s'il vous plaît. Avec du sucre, s'il vous plaît. أريد فنجان شاي. Je désirerais un thé. Je désirerais un thé. أريد الشاي مع الليمون. Je désirerais un thé au citron. Je désirerais un thé au citron. أريد الشاي مع الحليب. Je désirerais un thé au lait. Je désirerais un thé au lait. ألديكم سجائر؟ Avez-vous des cigarettes? Avez-vous des cigarettes? ألديكم منفضة؟ Avez-vous un cendrier? Avez-vous un cendrier? ألديكم ولاعة؟ Avez-vous du feu? Avez-vous du feu? تنقصني شوكة. Je n'ai pas de fourchette. Je n'ai pas de fourchette. ينقصني سكين. Je n'ai pas de couteau. Je n'ai pas de couteau. تنقصني ملعقة. Je n'ai pas de cuillère. Je n'ai pas de cuillère.